Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Vanoise, un parc national pour qui ? Une série de Myriam Prévost réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des souvenirs de randonnée à guetter le bouquetin ou la marmotte avec les pieds gelés. Il y a aussi l'envie de comprendre ce que fait un parc national à ceux et celles qui en partagent le territoire. Des hommes, des femmes, mais aussi des oiseaux, des animaux et des arbres. Alors pour commencer, les personnages. Un père montagnard et naturaliste, une fille sur sa trace, une ornithologue aux aguets, un écrivain et son arbre. Ensuite, le décor. Des cerfs et des tétralyres, des bouquetins, des gypaètes, des bouquetins philosophes qui sifflent, une vieille forêt, des chants d'oiseaux, des pins qui s'accrochent, des mésanges et des coups de corne pour de faux. Aujourd'hui, 4e épisode, on est à l'affût. Ce sont des femelles, là, je pense, hein, avec un pelage plus clair, de petite taille. Hein ? Il y a forcément des mâles qui sont pas loin. Lui, c'est mon père. La montagne, il s'y connaît. Quand j'étais petite, il m'y a beaucoup emmenée. Une fois, on a bivouaqué sur la neige et j'avais mis mes chaussettes à sécher près du feu. Et elles se sont consumées, lentement, sans qu'on s'en aperçoive. Je me souviens plus quel animal on voulait voir ce jour-là, parce que je crois qu'on n'en a pas vu. Mais ça devait être des cerfs ou des tétralyres. Les tétralyres, ce sont des sortes de coqs sauvages qui chantent en glougloutant devant leurs poules, qui, elles, les regardent parader et gloussent. Les cerfs, eux, ils chantent pas. Ils ne gloussent pas non plus. Ils brament. C'est plus bourru comme manière de faire le beau. La marmotte, triton, il y a des poissons. Casson à moucheter. La mésange noire, la mésange huppée. Gypaète. Éventuellement une martre. Picodrome, c'est un passereau. Un renard ou une hermine. Chocard à bec jaune. Grand corbeau même. Perdrix, la perdrix des neiges. Lagopède alpin, les chamois. Le lièvre variable. Les bouquetins. En tout cas, c'est un entraînement de voir des animaux. Ça s'improvise pas. Dans la pénombre, que ce soit celle bleutée du matin ou orangée du soir, ou encore celle des sous-bois, dans la pénombre, il faut savoir ouvrir l'œil et mettre son cerveau en mode analyse infrarouge de la situation pour savoir si la forme qu'on voit bouger entre les pins est un animal, une sorcière des bois ou un chasseur. Il faut aussi savoir se figer, comme un chien à l'arrêt. Au moindre bruit, craquement de branches, pierre qui dégringole au loin, et retenir son souffle, parce que respirer, ça parasite les oreilles. Alors là, on arrive à l'extrémité sud de cette grande chaîne, de ce grand massif qu'on appelle le massif des Encombres, et qui se trouve un petit peu à l'ouest du parc national. Il y a un groupe de boutins qui vit dans ce massif, hein, plusieurs centaines. Et quand l'automne arrive, enfin en tout cas au mois d'octobre, en tout cas de manière certaine, les bouquetins descendent dans leur quartier d'hiver, qui vont devenir, à partir du mois de décembre, la zone de rut. On va cheminer un petit peu dans la végétation. Peut-être qu'on va tomber nez à nez avec un grand mâle qui va nous regarder fixement, se demandant qu'est-ce qu'il vient de faire ici, c'est là. Qu'est-ce qu'il vient de faire là ? Oh. Ah, j'en vois un, là. Ah, dis donc, il est vraiment à la pointe, hein. Vanoise. Au-dessus du dernier arbre. Bestiaire d'une zone protégée. Un petit jeune de l'année avec sa mère. Ah, puis il cavale, dis donc. Il descend en courant, on dirait. Ah, oui. Il descend galopant. Ah, j'ai raté. Alors, c'est vrai que c'est un animal qui paraît lourd, qui paraît pesant, il est massif. Mais il est, dans le rocher, il est d'une agilité incroyable. Autant pour monter que pour descendre, et d'une sûreté de pied. Hein. Et dès le plus jeune âge, dès les petits cabris, tout de suite, ils vont dans des coins. Alors, il doit y avoir de la casse, hein, forcément. Hein. Mais c'est vrai qu'ils suivent leur mère dans des coins impossibles. Ça fait des bruits, les bouquetins ? Il y a un Alors, cri ? Ils ont un cri quand on les embête vraiment trop. Ils se poussent à un espèce de chuintement. Mais c'est vraiment très exceptionnel. Hein. Donc, déjà entendu ? Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Un bouquetin qui était au pied d'une barre, comme ça. On a passé un peu près de lui, donc il a poussé un sifflement, quoi. Un espèce de... Ça fait longtemps, c'était très vieux, ça. J'ai entendu ça dans le Grand Paradis. C'était en 68. Mais ma première rencontre avec les bouquetins. J'ignorais tout, évidemment. À l'époque, on n'avait pas toute la documentation qu'on a maintenant, mais j'avais simplement envie de les approcher, puis éventuellement de faire des photos. Je me rappelle, avec un copain, on avait rampé sur 500 mètres pour approcher des bouquetins qui étaient totalement paisibles et tranquilles et pas du tout dérangés par notre approche. Hein. Mais nous, on pensait qu'ils allaient s'enfuir comme des chamois, quoi. Et non, ils étaient paisibles et ils nous ignoraient totalement. Au bout de 500 mètres, on s'est relevé et on s'est aperçu que ça ne changeait rien à leur comportement. Alors là, il y a deux mâles qui cheminent vers nous, ils ne nous ont pas vus. Ils cheminent côte à côte, puis des fois, ils se donnent des petits coups de corne. Genre, tu vas te calmer, toi, t'arrêtes de me suivre. Hop là, là. Là, ils baissent la tête et en plus, ils ont l'air d'avoir un peu le même âge parce qu'ils ont les cornes de la même longueur, on dirait. Le premier me paraît plus cornu, celui qui est devant, il me semble, un peu. Voir la montagne vivante, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Quand on est naturaliste, on cherche toujours à rencontrer des animaux, des preuves de vie, quoi, dans le milieu où on se trouve. Alors, il y a des animaux qui sont difficiles à voir, hein, parce qu'ils se cachent sans arrêt. Je prendrai l'exemple du cerf, après lequel j'ai couru pendant des années, qui n'est pas facile à voir, qui est assez compliqué. Alors, le bouquetin, lui, c'est un animal diurne, qui est facile d'approche. Il est sur des terrains ouverts, donc on le voit de loin. Je dirais que c'est le côté paresseux pour le naturaliste. Hein. On peut l'approcher facilement, sans trop d'efforts. Et puis, c'est un animal qui montre par sa façon d'être tranquille, d'être paisible. Je dirais qu'il est presque l'expression d'une certaine sagesse dans le monde animal. Le chamois, par exemple, est un peu à l'inverse, dans la mesure où, en période de rut, par exemple, au mois de novembre, les chamois sont absolument déchaînés, quoi. Ce qu'on voit jamais pratiquement jamais chez le bouquetin, quoi. Le bouquetin est mal placide, qui paraît ne pas faire d'efforts. Ça, c'est un côté qui est assez plaisant, je trouve, ce côté animal, alors en faisant de l'anthropomorphisme, animal sage, un animal philosophe. Souvent, en plus, il s'installe sur un promontoire. Alors donc là, il est au-dessus avec ses grandes cornes. On a l'impression que c'est un animal qui pense, vraiment. Quand on voit qu'il pose sa tête, il ferme les yeux à demi. Ça me plaît beaucoup chez lui. Ils font un peu semblant de se battre, hein. Ils se battent au ralenti. Ils marchent tous les deux. Ils nous ont vus. Là, ils font la pause. Ils sont arrêtés. Il n'y a plus un geste. Ils nous regardent un petit peu. Mais... Ils ont arrêté leur chicanerie. Là. Je crois qu'ils se posent des questions sur nous. Les falaises sont à pic au-dessus de nous. Et on ne voit pas leur sommet. Elles s'enfoncent dans les nuages. Il neigeote. Les bouquetins sont partout. Ils montent, descendent, traversent et accélèrent parfois. Ils ont l'air de connaître notre espèce, aussi bien que nous pouvons connaître la leur. L'homme, lui, est figé. Planté dans le sol caillouteux, le nez en l'air, il hume et donne des coups d'œil furtifs dans tout son champ de vision sans bouger la tête, pour voir si ça bouge quelque part. De l'autre côté du massif, de l'autre côté des falaises et des bouquetins, tout droit vers le nord, à 20 km à vol d'oiseau, il y a une forêt. Une forêt qu'on appelle aussi Sambrais, parce que composée principalement de pins sambreaux, ou arôles, ou encore pins des Alpes. On n'est pas à l'affût pareil dans une forêt. On a moins le nez en l'air. On scrute. Donc voilà, donc nous sommes à l'entrée de la réserve naturelle de Tueda. Ici, à Motaré. Je pense qu'on va faire un petit tour dans la Sambrais. Donc c'est une superbe forêt de pins sambreaux. On a des arbres qui sont très très vieux. Et c'est pour ça que ça a été préservé, que ça a été protégé d'ailleurs. Donc on va entendre le casse-noix moucheté normalement, qui est l'oiseau qui est vraiment partenaire des pins sambreaux, puisqu'il se nourrit des graines du pin sambreau et puis il participe à la dissémination des graines en allant les cacher pour l'hiver. De la roche, il se penche sur un abîme. Sa souche initiale était sur un bord et fut détruite par la foudre. Alors la racine a rejeté à l'extérieur, au-dessus du vide, une branche horizontale. Et de là, il est reparti vers la hauteur. L'arbre s'appuie ainsi sur l'air, un coude sur une table. C'est un pin des Alpes, parent du sapin mais plus touffu et solitaire. Inapte au service de Noël de ses semblables, décimés dans les bois des pentes plus faciles. Il vit à 2200 mètres avec les derniers troncs qui se risquent en altitude, posés tout tordus sur des versants abrupts, offrant un angle droit au ciel. Nul ne monte pour le couper, trop dangereux de se pencher sur le vide. Il entraînerait le bûcheron avec lui. Une fois par an, je monte saluer l'arbre. J'emporte de quoi écrire et je m'assieds à son pied. Une vipère vit à l'intérieur. Je l'entends souffler, puis se calmer. Un arbre solitaire a une clôture invisible aussi large que son ombre à poser tout autour. Avant d'y entrer, je retire mes sandales. Je m'allonge sous sa lumière. Le pin des Alpes est capable de se diviser en deux branches principales. Impossible pour le sapin et le mélèze. Le tronc de celui qui est là-haut a deux bras levés, parallèles, dont un pour la foudre. Il sait qu'il sert de cible. La hauteur solitaire l'implique. Il est né de la décharge qui a tué le tronc précédent. Quand le nuage s'épaissit, tout gris, qu'il s'ébouriffe autour de la montagne, un courant passe comme un frisson à la surface. Si l'alpiniste se trouve là, il le sent glisser sur lui. Une caresse de coton imbibé qu'on frotte sur la peau avant la seringue. La foudre est précédée d'une friction du ciel sur la terre. Le pin des Alpes connaît le frémissement qui éclaire ses branches d'une auréole. À ce moment, il cesse de respirer, de faire monter la lymphe. Il incline ses aiguilles et attend. Il arrive que le nuage se déplace pour décharger ailleurs sa fièvre. L'éclatement sur d'autres rochers est le signe qu'on peut de nouveau respirer. Donc ça, c'en est un pin sambreau. Donc les grandes aiguilles regroupées par cinq. Donc là, il y a un cône. Voilà, on devine les loges où il y a les graines dedans, qui a été mangé par un casse-noix. Donc on voit, ça a été bien fendu. Là par le bec. Donc il casse la coquille, il mange les graines à l'intérieur. Il mange les graines, ce qui sont des pignons de pin en fait, c'est super bon. Ah ouais. Et puis c'est gras. Et c'est très nutritif, très nourrissant. Voilà. Donc, sachant que dans cette forêt, vous êtes entouré d'épicéa, qui est l'arbre le plus commun des forêts de montagne. Et puis donc le fameux passambo. C'est un bois qui est précieux, qui est recherché par les sculpteurs. Dans les vallées, il y a pas mal de sculpteurs au couteau à bois, là, ils aiment bien travailler la rolle. Mais ceux-là, là, les pins d'ici sont protégés, j'imagine. Et alors, ils sont protégés de fait parce qu'ils sont dans la réserve naturelle. Mais sinon, ils ne bénéficient pas de statut d'espèce protégée, comme peut l'être le sabot de Vénus, par exemple. Le sabot de Vénus, c'est une orchidée, une magnifique orchidée, une très très grosse orchidée, qui fleurit au mois de mai-juin. Qu'est-ce qu'on a entendu, là ? Ah, jumelles. Regardez, il y a un casse-noix qui est là. Hop, ah oui, il s'envole. Ça, c'était un casse-noix ? Oui, mais alors, c'est pas typique du tout. Hein. Mais le casse-noix, il est imitateur. Il imite les chants, les cris des autres oiseaux. Et des fois, il fait n'importe quoi. Donc là, voilà. Donc du coup, là, il cherche à brouiller les pistes, quoi. Peut-être. Vous l'avez vu ? Vous avez le temps de le voir ? Mais du coup, ça a l'air d'être tout noir, on dirait un petit merle, comme ça, de loin, non ? Alors, c'est plus gros qu'un merle. C'est un bec quand même plus massif, plus pointu, costaud. La prochaine fois, je vous passe les jumelles. Entre un arbre et un homme, la conversation tourne autour des histoires de foudre. Je raconte les miennes. Je grimpais déjà depuis plus de 1000 mètres sur la Tofana de Mezzo. Je vais souvent seul. Je suis de l'espèce du pin des Alpes et pas de celle du sapin. Le nuage collé à la Tofana commença à s'émietter en grêle. La solitude qui rend les pas agiles cessa. Les prises à saisir se couvrirent d'un granité blanc. Les appuis de mes sandales étaient bien assurés pour ne pas glisser. Il faut des doigts rapides sur la grêle. S'ils s'attardent à évaluer la prise, ils perdent leur sensibilité. Les gants sont inutiles. Il faut le contact des phalanges pour donner un peu de précision à des gestes qui ne peuvent se tromper. Le pin des Alpes connaît ces choses-là. Il porte la neige et la cristallerie de la glace sur ses aiguilles. Il n'héberge pas de nid, pas à cette altitude. Je montais dans le nuage et la grêle redoublait. Un passage un peu abrupt, facile par temps sec, me donna une poussée de colin-maillard. J'essayais de regarder vers le haut, mais le grondement dans les yeux me les ferma. Je pris mon élan et posai un genou sur une petite terrasse glissante. C'était un geste gauche qui déplut au pin des Alpes. L'élégance de mouvement est une nécessité pour lui. Un arbre n'est jamais maladroit, même quand il s'écroule sous le fer du bûcheron. Vers la cime de la Tofana, 100 mètres plus bas, le plastique de ma veste fait du bruit, s'agite, grésille. Le courant électrique qui précède la foudre se répand à la surface de la roche mouillée. Je suis dans le champ de la décharge, qui crépite, qui vibre. La montagne prévient qu'il faut ficher le camp. Vers où ? Elle ne peut me le dire. Dans ces moments-là, j'ai envie de pencher la tête sur ma poitrine, de courber le dos et de partir en biais. Le pin des Alpes remue sa cime. Il sait que baisser la tête ne sert à rien. La foudre n'est pas une chauve-souris qui s'accroche aux cheveux. Elle cherche le fer qui est dans le sang. Il faut au contraire se raidir et se coller au sol. Si elle ne tombe pas dessus, il suffit que ce soit tout prêt pour produire un appel d'air si fort qu'il soulève et projette à terre. La foudre ne m'a pas projeté à terre. Mais l'espace d'une seconde, j'ai perdu le contact avec le sol. Je suis resté cloué où j'étais, pieds et mains glissés dans le blanc granuleux de la grêle. Ça, le pin des Alpes le sait. Après la décharge, on reste immobile. La lymphe attend pour repartir, les branches font l'appel pour se compter, et les racines demandent aux feuilles si le feu a pris quelque part. C'est calme, hein. On pourrait entendre la mésange noire, la mésange huppée. La mésange est très discret comme petit chant. C'est du babil plus... alors voilà, déjà c'est binaire, ça va faire un tsubi, tsubi, tsubi. Et puis souvent c'est à proximité. Mais par contre, elles peuvent être plusieurs. Donc ça fait des troupes. En hiver, elles sont autant en période de reproduction, ils vont être en couple, ils vont être discrets. Et là, par contre, l'hiver, ils se mettent en troupe. Ouais, le but, c'est d'être plusieurs pour mieux repérer des zones de nourrissage, soit pour mieux repérer d'éventuels prédateurs. À plusieurs, on est plus efficace. Sauf pour la reproduction, où là, après, c'est chacun son, chaque couple qui s'occupe d'élever leur nichée. C'est vrai qu'à cette époque, ce qui est marquant, je trouve, en montagne, c'est ce silence, justement. C'est l'époque où les oiseaux n'ont pas besoin de chanter particulièrement, puisque le chant, c'est pour délimiter un territoire en début de période de reproduction. Après, quand les oiseaux sont en train de s'occuper de leur nichée, c'est pareil, ils sont plutôt calmes. Ils ne sont pas complètement silencieux, mais plutôt calmes. Bah là, cette époque, c'est vraiment l'époque de repos de toute la nature. Après, on va dire, l'agitation folle de l'été et du printemps, et avant les rigueurs de l'hiver, on a l'impression que c'est le temps de pause, finalement. J'ai fini mon histoire. Entre-temps, le pin des Alpes a déplacé son ombre. À l'heure du coucher de soleil, il imprime sa forme sur la roche d'en face, aussi nette que sur de la neige fraîche. Les arbres de montagne écrivent dans l'air des histoires qui se lisent quand on est allongé dessous. En montagne, il existe des arbres héros, plantés au-dessus du vide, des médailles sur la poitrine des précipices. Tous les étés, je monte rendre visite à l'un d'entre eux. Avant de partir, je monte à cheval sur son bras au-dessus du vide. L'air libre sur des centaines de mètres vient chatouiller mes pieds nus. Je l'embrasse et le remercie de sa durée. Sont-nous nos deux autres là ? Bah, ils sont face à face, mais ils bougent pas. Ils se regardent dans le blanc des yeux là. Il fait demi-tour, non ? Parce qu'ils sont pas très farouches. C'est un des problèmes du bouquetin. Tant mieux, parce que c'est une espèce protégée, donc a priori, il n'a pas de risque de recevoir des coups de fusil. Je dis bien a priori, parce que le braconnage existe. Mais donc c'est une espèce, effectivement, qui n'est pas fuyante, comme peut l'être d'autres ongulés, comme le chamois, le mouflon, le cerf ou le chevreuil. Donc c'est un animal qui supporte assez bien la présence humaine. Donc ça lui a été fatal pendant un temps, puisque effectivement il a été décimé à cause de ça. Il pensait qu'en se réfugiant dans les falaises, en se mettant sur une petite vire rocheuse, il allait être tranquille. Mais il fallait qu'il compte avec le coup de fusil, lui, qui lui était fatal. Donc c'est une espèce qu'on peut approcher assez facilement. Alors maintenant, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans sa tête. C'est vrai qu'il faut pas non plus déranger des animaux. On a l'impression, effectivement, qu'ils sont accommodants pour l'homme. Donc, on voit un bouquetin qui est couché, tranquille, en train de ruminer, là, dans la prairie. On s'approche en se disant, tiens, je vais faire une belle photo. Là, on le dérange réellement. C'est-à-dire qu'il est en cycle de ruminer. Par exemple, on le fait se lever, ben, on sait qu'on le dérange et qu'on met un obstacle à sa digestion. Donc, c'est vraiment un problème, hein, je pense, le dérangement quand même. Même si il n'y paraît pas. Tiens, les jumelles. Hop. Elles sont pleines d'eau, mais bon. Entre les gouttes, tu verras les bouquetins. Ah, il descend voir l'autre là-bas. Ah voilà. Est-ce qu'ils vont se tabasser un peu ? Il va pas le déranger pendant qu'il est en train de ruminer quand même. Et le bouquetin, il est chassé pourquoi ? Alors le bouquetin, il était chassé pour plusieurs raisons. Il y avait une raison tout simplement alimentaire, c'est de la viande. Et en plus, pour ceux qui en ont mangé et qui ont pu comparer avec d'autres espèces sauvages, comme le chamois ou le cerf par exemple, le bouquetin serait un mets délicieux, c'est ce qu'on dit toujours. Il était chassé aussi parce qu'il y avait toute une pharmacopée qui tournait autour de l'animal. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser ses cornes en les broyant. On s'en servait une fois broyé, on s'en servait pour soigner un certain nombre de maladies, notamment les maladies respiratoires. Les testicules, bien sûr. Alors les testicules, surtout si on les attrapait sur un bouquetin au moment du rut, c'était considéré comme un aphrodisiaque. Et puis, deux choses importantes aussi, c'est la croix du cœur. C'est-à-dire que dans la paroi qui sépare les deux ventricules du cœur du bouquetin, quand il vieillit, il y a une petite Il s'installe un phénomène osseux qui sépare les deux ventricules, qui a la forme d'une croix. Référence à la croix du Christ, bien sûr, tout ça. Donc c'était un talisman. Et ce talisman, bien sûr, protection contre tous les malheurs qui pouvaient advenir. Mais alors, il y a des légendes, il y a plein de légendes et des histoires qui existent là-dessus, parce que, par exemple, il y avait un évêque en Autriche qui avait demandé à ce qu'on tue tous les bouquetins du coin, parce que, évidemment, les gens croyaient à cette croix qu'il y avait dans le cœur de l'animal, et ça faisait concurrence avec la croix du Christ, la vraie, celle que prêchait l'archevêque de Salzbourg, évidemment, donc il disait qu'il fallait tuer tous les bouquetins. Et il y a le bézoar aussi, le bézoar qu'on trouve dans l'estomac du bouquetin, mais pas que du bouquetin, chez d'autres espèces aussi. En fait, c'est au fil du temps une petite concrétion de poils, de débris dus à la digestion diverses et variées, qui forme une petite boule qu'on retrouve dans l'estomac. Et cette petite boule, encore, avait des vertus médicinales fantastiques. Elle éloignait de la peste, par exemple. Là, il y a un mâle qui suit une femelle avec son jeune, là. L'homme est suspendu. Il utilise tous ses sens, dans toutes les directions. Il essaye d'être aussi fin qu'un animal. Après tout, il est un animal. Ou pas. Le débat est ouvert. Enfin, on les voit se déplacer, là. Ils sont juste en bas de la falaise, là. En tout cas, je crois que les cinq sens combinés, ça en fait parfois un sixième. Un sixième qui permet de voir, même si ça bouge pas. Parce qu'avec de l'exercice, en travaillant dur et au quotidien... Ça y est, je vois les fesses blanches. On arrive aussi à voir ceux qui sont figés, comme nous. À l'affût, comme nous. Camouflés, comme nous. On est attiré tout entier vers l'endroit où il y a quelque chose qui vit. Là où ça respire et ça palpite. C'est un animal qui était pourchassé dans toutes les zones où il était présent, donc au niveau de l'arc alpin. Hein. Donc il en restait une poignée du côté italien, donc dans la zone du Grand Paradis, dans le massif du Grand Paradis, qui était une chasse royale. En voyant que les animaux disparaissaient de toute la région, quoi, le roi a décidé que cette chasse serait réservée donc, au monarque et à ses éventuels invités. Et au fur et à mesure que les années passaient, donc, il en a fait une réserve carrément, et qui est devenu ensuite le parc national du Grand Paradis, qui est un parc très ancien, puisque je crois qu'il a été créé dans les années 20. Et donc la population a pu se reconstituer peu à peu, et les bouquetins peu à peu sont revenus sur le secteur vanoise. Sachant quand même que tous les animaux n'avaient pas été éliminés. Donc, ce n'est pas les animaux du parc de la Vanoise ne sont pas que des animaux qui viennent du Grand Paradis. Ça sert à quoi de réintroduire un bouquetin ? Eh bien, c'est redonner de la vie à un massif. Ça peut se discuter, et ça se discute d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on doit introduire du bouquetin ? Le bouquetin, je dirais qu'on le réintroduit dans un massif pour la beauté de l'animal, pour augmenter la biodiversité. Il y a des espèces qui ont été introduites, par contre, par les chasseurs. Le mouflon, par exemple, qui a été introduit en Chartreuse, il a été introduit pour la chasse. Il n'a pas été introduit pour un plaisir commun, il a été introduit pour un plaisir particulier, à savoir la chasse. Alors qu'en plus, il n'avait rien à y faire, puisque j'ai mis le mouflon en Chartreuse dans les temps anciens, alors que le bouquetin, oui. Donc, pourquoi on introduit du bouquetin ? Parce que, effectivement, il y était. Il en a disparu à cause d'une surchasse, donc on lui redonne sa place. La place qu'il mérite dans un massif. Et peu à peu, je veux dire, après la réintroduction, un équilibre va se mettre en place. Il va trouver ses marques, il va trouver ses sites préférés, les sites où il est le mieux pour se nourrir, pour se reproduire. Et puis, il va faire son nid tout doucement. Maintenant, j'ai une sorte de réflexe quand je vois des bouts de nature, en train ou en voiture, des champs qui défilent, des lisières de forêt, un étang. Je scrute. Je vois des animaux, et pas que des vaches, des chevreuils surtout, parfois des renards. Un blaireau, des rapaces, beaucoup, des chats sinon. Par solaire, Fabien, pour Céline, tu reçois ? On a différents relais qui sont propres au parc. En fait, on est une équipe d'une dizaine de gardes. Ça, c'est le casse-noix. C'est le casse-noix moucheté. Ils sont bien, là, les oiseaux. Oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, ils sont en paix. Une des vocations de la réserve, c'est de protéger un oiseau emblématique des Alpes et de la Vanoise, c'est le tétralyre. Donc ce coq de bruyère, qui est une espèce chassée, mais qui a besoin de zones refuge. Et voilà, dans la réserve naturelle, notamment dans cette forêt de Pinsambeau, entre autres, il trouve refuge pour l'hiver. Alors il est chassé hors de la réserve et hors du parc. Oui, c'est ça. Tout à fait. On va faire quelques petits lacets pour redescendre tout ce qu'on a monté. Puis après, on tirera à gauche pour sortir de la forêt. Donc le tétralyre, il a la particularité de se mettre dans des igloos de neige l'hiver pour se protéger du froid et pour attendre que les moments favorables qui sont le début du jour et la fin de journée pour aller se nourrir dans les épicéas et les pinsambros. Et quand il est dans son igloo, il fait des crottes. Donc nous, après, on peut retrouver ses crottiers. Donc ce qui nous permet de détecter ses zones d'hivernage. Et en superposant des cartes de zone d'hivernage et les cartes de fréquentation de ski, notamment hors-piste, on a pu voir quelles étaient les zones qui étaient stratégiques pour le tétralyre, pour lui permettre d'avoir un maximum de chances de survivre à l'hiver. Et ensuite, donc en collaboration avec les domaines SIAP, de mettre en défense certaines zones. Et tu vois, toutes les zones en face, elles sont interdites aux skis hors-piste en hiver, parce que ce sont des zones de quiétude pour le tétralyre. Donc dans cette réserve, tu peux pratiquer le ski de fond sur les pistes de ski de fond, du ski de randonnée sur certains itinéraires, et le ski hors-piste sur certains itinéraires. Et d'autres versants de montagne sont... Ce sont des versants nord, avec boisé, donc c'est pas super intéressant pour le ski, et c'est des zones où on a le tétralyre qui passe l'hiver. Pas toujours facile, la cohabitation entre les activités humaines et des lieux de quiétude pour la faune. C'est assez bien compris en général. Alors, on va dire que sur le papier, oui, tout le monde comprend que c'est important de protéger des zones pour la biodiversité. Par contre, sur le terrain, quant à l'appel de la neige fraîche et d'aller faire trois superbes courbes dans de la neige poudreuse, et ben des fois, c'est plus fort que, que tout. Donc, du coup, on fait des opérations de surveillance en inter-service avec les gendarmes, l'Office national de la chasse, l'Office national de la pêche. Enfin, maintenant, c'est l'AFB, l'Agence française de la biodiversité. On fait des opérations de surveillance avec des timbres amendes qui peuvent être délivrés quand on constate des infractions du ski dans les zones où faut pas. Et alors comment il construit ces petits igloos, le tétralyre ? Il creuse dans la neige, mais alors pas dans n'importe quelle neige, il va vraiment dans les endroits où la neige elle est poudreuse, elle est légère, donc dans des faces nord, ombragées, et bien sûr c'est les mêmes genres de zones qui sont recherchées par les skieurs hors piste. Donc on a un vrai problème de cohabitation, parce que le tétra, il est en survie totale pendant l'hiver. Il va manger que des petits bouts d'aiguilles de pin, c'est très indigeste. Il a une adaptation morphologique à cela, parce qu'il a un tube digestif extrêmement long, vu la taille de l'oiseau, pour pouvoir digérer toute cette cellulose. Et du coup, il a besoin de rester de nombreuses heures sans être dérangé. Et s'il est dérangé une fois dans l'hiver, c'est pas grave, mais c'est la succession du dérangement qui va faire que soit l'animal ne va pas réussir à se nourrir correctement, donc ensuite il va être plus sujet à du parasitisme, il va être plus faible, il va peut-être moins bien se cacher, et puis du coup il y a un aigle royal, il y a un renard qui vont pouvoir le prédater plus facilement. Et là en ce moment, le tétralyre, il est où ? Il pourrait être autour de nous là ? Oui, pour être dans ses fourrés, il va trouver refuge dans ce qu'on appelle les arcos, c'est des boisements d'aulne, l'aulne vert. Donc ce sont des arbres avec des troncs flexibles, adaptés pour pouvoir pousser dans les couloirs d'avalanche, comme il y a en face par exemple. Et puis il peut être perché aussi sur un épicéa, soit pour se nourrir, soit pour attendre que ça passe. Donc il y a une grande différence entre le mâle et la femelle. La femelle ressemble à une grosse poule, elle est de couleur terne pour pouvoir se cacher. Le maître mot, c'est « je me camoufle pour pouvoir élever mes jeunes ». Tandis que le mâle, lui, il est un petit peu plus exubérant, donc il a un plumage noir et blanc. En période de reproduction, au mois de mai, pendant les paranuptiales, il a des gros sourcils rouges qu'on appelle des caroncules très développés. Et puis surtout, il a ces fameuses plumes de la queue qui sont courbées, qui évoquent la lyre, l'instrument de musique, tout son nom, le tétralyre. Ah, c'est un des plus beaux spectacles de la nature, je trouve, ces parades de tétralyre au printemps. Les mâles vont se regrouper sur une zone un peu découverte et ils vont se bagarrer, chuinter, se voler dans les plumes littéralement. Alors sur des belles places de champs, des belles arènes, on peut avoir plus de 10 coqs. Et puis tout autour de cette arène, dans les arbres, dans les buissons, il y a les femelles qui sont là, qui sont présentes. Alors il suffit qu'il y en ait une qui descende au milieu de l'arène, alors là c'est la folie totale. Puis après il y a les accouplements qui vont se passer dans les buissons, voilà. Et ça se passe au tout lever du jour, même avant que le jour n'arrive, on les entend chuinter. On entend le chant qui est très agréable, très typique hein, du tétralyre, on ne peut pas le confondre. Ça dure le temps du lever du jour, et puis après, hop, tout le monde retourne dans le sous-bois, et puis vous êtes sur place, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Un beau mâle, l'agneau. Il y a vraiment un super mâle qui est dans la pente d'herbe, là, qui broute là, légèrement en contrebas par rapport à nous. Mais il n'a pas l'air particulièrement excité par la présence d'une femelle. Les mâles dominants, ils ont repéré une femelle qui était en oestrus, et cette période de chaleur chez la femelle dure très peu de temps, hein. Elle dure 24 heures, hein. Donc il faut en profiter. Parce que là, si, par exemple, s'il y avait une femelle qui était en oestrus, je pense qu'il serait derrière, hein, il n'y a pas de problème. Ils ont un organe, l'organe de Jacobson, qui est un organe qui leur permet de sentir, alors je mets entre guillemets sentir, parce que nous on sent avec notre nez, on goûte avec notre langue, et les grands ongulés comme ça ont en plus un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, qui est plutôt destiné à prendre les effluves sexuels, quoi. C'est pour ça qu'on les voit souvent, qu'ils retroussent les babines. Ils retroussent les babines parce que l'entrée de l'organe en question se trouve sur les gencives. Bien si on voyait un mâle qui soit un peu accroché à une femelle. Monter encore un petit peu là au-dessus là. Monter pour essayer de voir l'ensemble si on peut. Je pense que on n'imagine pas ça, mais ils vivent dans un monde de. Ils utilisent leur sens au maximum. Alors que nous, on vit qu'avec les oreilles et les yeux. Mais c'est vrai que les bouquetins, comme tous les grands ongulés, hein, je pense qu'ils vivent avec effectivement les oreilles et les yeux. Mais en plus, ils vivent dans un paysage d'odeurs qu'on n'imagine même pas, nous, et qui leur donne plein de renseignements. Je ne sais pas s'ils se donnent des prénoms entre eux, mais c'est vrai qu'ils savent sans doute que mademoiselle Trucmuche est passée là, que monsieur Intel est passé là, il est revenu dans l'autre sens. Enfin bref, je pense qu'ils ont connaissance des présences des uns et des autres. Comme s'ils se connaissent forcément, ils vivent ensemble toute l'année. Bref, je pense qu'ils ont un paysage qui est un paysage beaucoup plus riche, en tout cas très différent du nôtre. Ils ont plein d'informations que nous, on n'a pas, forcément. Magnifique le paysage là, avec le soleil qui revient. Là, tu regardes quoi ? Ben, je cherche dans la falaise, dans les hautes falaises, là, vraiment, qui sont vraiment au-dessus de nous. Je profite de la trouée dans les nuages. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui vole. Ce fameux gypaète, ce mangeur d'os, il est très lié au bouquetin. Et partout où il y a des belles populations de bouquetins, le gypaète, qui avait disparu des Alpes, à force de réintroduction, il s'est installé. Il ne s'est pas installé n'importe où. Il s'est installé dans les secteurs, effectivement, où il y avait du bouquetin en bonne quantité. Et les bouquetins, ils sont nombreux. Donc, il y a forcément de la mortalité, comme chez toute espèce. Quand il y a un cadavre, effectivement, les écarisseurs de la nature, donc les renards, les grands corbeaux, bien sûr, vont venir se nourrir sur la bête. Et le dernier à passer, ça sera le gypaète, qui va prendre les os et qui va les briser et les manger. Tu vois ou pas? Oui, ça y est. Ça, c'est pas un grand corbeau, ça. Mais je l'ai échappé, par contre. Là. Ah, mais je le vois. Et ça fait quoi comme bruit, un gypaète? Ça fait pas de bruit. Ça, c'est le grand corbeau. Oui, c'est le grand corbeau, là. Ouais. Il fait quoi, le grand corbeau? Alors, le grand corbeau, il a un vocabulaire très, très large. Le son cri habituel, hein, qui a un cri assez classique chez les corvidés, hein, un espèce de croassement, quoi. Hein, c'est des... Mais là, après, il y a tout un tas de variations. Ça peut être... C'est un animal bavard, le grand corbeau. Je suis ce qu'on appelle un amateur naturaliste, ou un naturaliste amateur. Je pratique cette activité depuis, depuis 1967. Et je me suis beaucoup intéressé dans un premier temps aux mammifères essentiellement, et notamment aux cerfs, dans les forêts du Poitou. Peu à peu, je me suis intéressé donc bien sûr à l'ensemble de la faune et notamment à la vifaune, donc c'est-à-dire les oiseaux. Je me suis principalement intéressé bien sûr toujours aux oiseaux, mais j'ai un petit peu accentué le côté chant. Je me déclare souvent, si je devais mettre ça sur une carte de visite, je mettrais professeur de chant d'oiseaux. J'adore avoir une classe de gens qui vraiment arrivent avec une méconnaissance totale de cet aspect de la nature et de leur faire découvrir petit à petit ce côté qui est secret et mystérieux du contact avec le milieu naturel, quoi. Entrer dans une forêt, dans un marécage, et puis au lieu d'entendre un bois, une cacophonie, être capable de décrypter, de savoir ici c'est telle espèce qui chante, ici c'est telle autre qui chante, ce qu'on appelle aussi le territoire des autres, hein, c'est-à-dire le territoire des animaux avec leur langage. Le fait de rentrer dans un monde merveilleux, comme ouvrir une porte sur quelque chose de complètement neuf. Je ne suis pas du tout un bon imitateur, par contre, mais je donne des exemples, des petits moyens mnémotechniques. C'est par exemple le pinson des arbres. Moi, je leur dis toujours, vous faites cette petite phrase, « Tiens, tiens, tiens, voilà Félicien qui vient. » Alors, on pourrait mettre Adrien à la place de Félicien, hein, mais « Tiens, tiens, tiens, tiens, voilà Adrien qui vient. » Alors, c'est amusant de regarder la description du chant dans les bouquins. Donc, un tel va nous dire que la mésange fait titutu, titutu, titutu. Et puis, on va trouver une autre description dans un autre bouquin qui est zizuzu, zizuzu, zizuzu. Donc, chacun sa petite façon de transcrire. Il y a la bouscarle de Séti, par exemple, qui est un petit oiseau qui vit dans les zones humides. Mais il a un chant très explosif. Ti, ti, ti. Tiens, c'est moi la bouscarle de Séti. Aller en montagne, aller dans la forêt, aller dans la campagne, c'est l'aventure. On s'arrête net. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien, j'ai cru. Chut. T'entends? Non? T'entends pas? Moi, j'ai entendu un truc. Non, ah oui, il est bien en position, là. Alors là, il peut suivre une femelle comme ça pendant des heures, voire des jours. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il dégringole d'un seul coup et descend. Ah, c'est qu'il a vu. Ah, il y a un autre mâle avec une autre femelle dessous. Donc il vient s'informer là aussi. Est-ce que tu crois qu'il faut un parc pour protéger les animaux? Ah. En fait, ce qui serait l'idéal, c'est de ne pas être obligé de faire des parcs. C'est d'avoir une nature qui soit protégée partout, ou en tout cas dans une majorité de territoires. C'est pas le cas. Le monde naturel est mis en coupe réglée par les hommes, surtout dans nos pays qui ont des densités importantes. Donc la nature, évidemment, elle part en lambeaux, elle est morcelée. Donc effectivement, on a trouvé comme solution de faire des réserves, des parcs, des zones protégées. Mais sur le fond, je pense que non, c'est pas la solution. La solution, ce serait d'avoir des territoires qui soient vivables à la fois pour l'homme et pour la nature et pour la biodiversité. Alors, on ne peut pas trancher d'une manière si brutale, bien sûr. Je pense qu'il faudrait un petit peu des deux, quoi. Des zones qui soient vraiment des zones totalement sans pression humaine, hein, sans intervention, ne serait-ce que pour avoir une image scientifique de la nature se développant sans intervention humaine. Mais en même temps, je pense qu'il faut... Il faut défendre ce que j'appelle, moi, la nature commune, la biodiversité banale. Parce qu'elle est banale aujourd'hui, mais demain, elle ne le sera peut-être plus. Et je pense qu'il y a des espèces qui étaient totalement communes il y a 2 siècles ou 3 siècles, et puis qui sont devenues des espèces super rares, voire disparues. Je pense que c'est important d'agir sur les deux côtés, quoi. À la fois sur les zones à protéger intégralement, je dirais, ou quasi intégralement, et puis des zones où on essaie de favoriser quand même la biodiversité, en milieu agricole par exemple. En modifiant, en améliorant des pratiques agricoles, on va pouvoir favoriser une biodiversité qui a disparu. Il y a des milieux qui étaient riches il y a encore 50 ans. Je pense à des grandes plaines céréalières où il y avait encore des haies, il y avait encore des vignes qui faisaient une petite mosaïque de milieux où on trouvait de nombreuses espèces. Maintenant, ces espèces ont disparu tout simplement parce que le milieu a été uniformisé, le milieu a été transformé en monoculture et puis il n'y a plus rien. Les intrants en grès, pesticides et autres dévitalisant complètement le milieu, quoi. Pourquoi on parle de biodiversité particulièrement? C'est quoi qui est important dans la biodiversité? La biodiversité, on peut la regarder à plusieurs niveaux. Il y a des biodiversités des espèces, le rouge-gorge, le bouquetin, la tortue. Il y a la biodiversité génétique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une même population, il y a de la diversité. Dans une population de bouquetins, il y a de la biodiversité, il y a de la diversité génétique. Puis il y a la biodiversité aussi en termes de milieux naturels. Donc la forêt, les marais, les étangs, la rivière, bref. Mais alors, l'intérêt de la biodiversité, on peut la lire à plusieurs niveaux. Moi, je trouve qu'il y a un niveau qu'il faut prendre en compte, qu'on met souvent de côté, c'est simplement parce qu'elle est là. Et c'est beau. C'est le plaisir esthétique, le plaisir émotionnel. Donc je pense que c'est important. Elle rend des services aussi à l'homme. Alors, c'est un aspect, pour moi, il n'est pas secondaire, hein, c'est pas ça, mais je le mets un petit peu en retrait, bon, parce que faut pas trop appuyer là-dessus, mais bon, c'est vrai qu'elle rend des services. L'eau, l'entretien des animaux qui vont faire en sorte que le milieu naturel, par exemple, va avoir un aspect de mosaïque, parce qu'il y a des animaux brouteurs, parce que voilà, par exemple. Hein. Alors après, il y a l'aspect artistique, hein, on s'est inspiré des animaux pour faire des fables, pour des mythes. Alors, c'est une question qu'on nous pose des fois. On nous dit oh, pourquoi étudier les grenouilles, tout ça, à quoi ça sert, tout ça, de s'intéresser à ça. Moi, je n'y vois pas l'intérêt. Ben, je dis effectivement, comme ça, à première vue, ça paraît un petit peu étonnant. Pourquoi on aide à, des crapauds à traverser une route pour pas qu'ils se fassent écraser. Bon, c'est vrai que ça, ça te paraît une activité un peu bébête, mais bon, non, c'est pas bébête. Aller en montagne, aller dans la forêt, aller dans la campagne, il y a des rebondissements, des coups de théâtre. Une crotte sur le sentier, et c'est la porte ouverte à d'incroyables hypothèses. Des traces, et hop! Est-ce qu'elles sont fraîches? Quand est-ce qu'il a plu la dernière fois? Et des fois, on s'emmerde aussi. Des fois, il ne se passe rien pendant des plombes. Et alors on se dit, c'est mort ce soir. C'est la brume. Ou c'est l'absence de lune. On se raconte ça, et on racontera ça, ce soir, quand on rentrera. I saw the violet turn to night. I saw the water turn to ice. A thousand snowflakes hover around me. The world aglow. Vanoise, bestiaire d'une zone protégée. Avec Jacques Prévost et Céline Rutten. Lecture du texte « Visite à un arbre » d'Éric Deluca par Xavier Xapla. Prise de son « Hélène Langlois » et Mathieu Tourin. Mixage « Bernard Laniel ». Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Annabelle Brouard. Of my only randonneurs, moniteurs, skieuses, agriculteurs, éleveuses, tétralies, rébouquetins, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire.